Chapitre 3e, le voyage. Elim se réveilla tard et sauta bas de son lit. De l'eau fraîche et du savon parfumé effacèrent les dernières traces de la tempête de la veille. Sa toilette fut courte. Il tenait de la nature ce qu'elle donne à ses privilégiés et ce qui simplifie toutes les toilettes, la beauté et la jeunesse. À sa grande joie, au lieu de sa robe à ramages, il trouva un costume complet à sa taille, à portée dès le matin de la ville. Il s'habilla donc en simple bourgeois, ce qui était plus sûr pour le moment qu'un uniforme russe, si élégant qu'il fût, et entra dans la salle à manger, où bouillait déjà le samovar. « Oiseau tardif, sa parlotte, oiseau tardif !» dit le vieux Hollandais, en tendant la main au lieutenant. « Long sommeil, doux rêve, n'est-ce pas ?» Elim sourit. En ce moment, Jane entra, et levant timidement sur lui ses beaux yeux bleus. « Bonjour, monsieur Elim, » dit-elle. Elim voulut répondre à ce souhait si simple, mais il rougit comme le ciel au matin. Sa langue s'embarrassa, et Jane lui parut si belle qu'il ne put que la regarder avec une expression plus éloquente que toutes les paroles. En effet, elle était charmante dans sa toilette du matin. Un petit bonnet, ou plutôt un simple carré de dentelle posé sur sa tête et assujetti sous le menton par un ruban rose, laissait fuir de tous côtés une foule de cheveux blonds, lesquels encadraient un visage si frais, si velouté, que près de lui, c'était le ruban qui pâlissait. Dans chacune de ses joues était creusée une de ces fossettes que les poètes du XVIIIe siècle appelaient des nids d'amour. Enfin, sur sa poitrine, soulevée par l'émotion, Elim, en sa qualité de marin, crut reconnaître deux vagues qui, mécontents de leur digue de mousseline, essayaient incessamment de la rompre. Au-dessous s'arrondissait une taille si flexible qu'elle semblait, pour ne pas se briser, implorer le secours d'une main protectrice. Enfin, tout l'ensemble ravissant de cette fleur de 16 ans était terminé par deux pieds qui semblaient avoir été faits sur le moule de la pantoufle de Cendrillon. Elim en était encore à cet âge où l'homme ne cherche pas une liaison, mais est avide d'amour, et obéissant aux entraînements de son cœur, n'éprouve qu'un besoin, celui de ne pas aimer inutilement. Plus tard, fatigué des caprices de l'amour, il cherche plutôt l'esprit que le sentiment, et un esprit brillant l'attire mieux qu'un cœur timide. Elim n'avait pas encore atteint cette sublime sagesse. En donnant son cœur, il demandait en retour un autre cœur. Il aimait pour aimer et non pour raisonner l'amour. Son cœur vola au-devant de celui de la jeune fille, qui la veille encore, était une petite fille jouant à la poupée et n'ayant encore fait aucune attention à ces automates qu'on appelle des Hollandais. 16 ans est un âge terrible pour une jeune fille. Une charmante figure, un caractère gai et franc, et surtout la résolution avec laquelle elle voulait sauver les malheureux qui étaient venus demander un asile au moulin, tout cela formait une de ces situations où les sentiments, en se heurtant, font jaillir les étincelles brûlantes auxquelles s'enflamme le cœur. De sorte que Jane, ne cachant point sa sympathie pour Elim, si ignorant en amour que fut notre jeune lieutenant, il fallait bien qu'il s'aperçût que Jane était loin d'avoir de l'aversion pour lui. Dès le lendemain du jour où ils avaient fait connaissance, ils causaient déjà tout couramment, sinon avec la bouche, du moins, ce qui est souvent plus dangereux encore, avec les yeux. Occupé de la contemplation de la jeune fille, ou plutôt absorbé dans cette contemplation, le jeune marin répondait distraitement aux questions et aux plaisanteries de Maître Auguste, qui au reste, quand il prenait son café, fumait sa pipe ou lisait la Gazette du Commerce, s'absorbait tellement dans ses graves occupations qu'il ne voyait ni n'entendait plus rien autour de lui. Cependant, dans un de ces moments-là, le bruit d'une porte qui s'ouvrait en criant sur ses gonds attira l'attention de tout le monde. Le personnage encore inconnu de nos lecteurs, et qui venait ainsi se mêler inopinément à la vie de nos héros, était grand de taille, maigre et serré dans un habit noir. Sa figure ressemblait à un cadran solaire, tant son nez sortait de son visage à angle droit et prolongé. Il avait l'habitude, par un léger plissement de front qui n'appartenait qu'à lui, de relever de telle façon ses sourcils et ses paupières que l'on eût cru que ses sourcils voulaient s'envoler et ses paupières prendre la place de ses sourcils. Parfois on voyait qu'il faisait un effort pour sourire, mais l'effort était impuissant. C'était le caissier de Van Narversen. On pouvait deviner ce titre au grand livre qu'il tenait sous le bras. Au milieu de ce livre était écrit sur un cœur de maroquin rouge « Grootboek, grand livre ». « Ah, sois le bienvenu, » s'écria maître Auguste en l'apercevant. « Nous t'attendions. Donne-moi une prise, Kenzius. » Kenzius pouvait, aussi bien que Kenzius, s'appeler la tabatière du maître. Il ouvrait donc une gigantesque tabatière en harmonie avec le nez qu'elle avait l'honorable mission d'approvisionner et la présenta avec respect au maître de la maison. « Eh bien, qu'y a-t-il de nouveau dans la ville ?» demanda le père de Jane en respirant longuement et bruyamment sa prise de tabac. La bouche de Kenzius, qui au repos était représentée par une ligne bleue qui se perdait dans la couleur de ses joues, s'ouvrit comme une fenêtre. « Il n'y a rien, » répondit-il. « Que disent les orangistes? Que font les napoléoniens ?»« Tout est aujourd'hui comme hier, » répliqua l'homme au gros livre. « Je te reconnais bien là, frère Kenzius, discret comme un frère de la trappe. Si j'étais roi, je te ferais mon secrétaire. As-tu pris un reçu de Van Zuyten pour le drap que tu lui as livré ?» Cette question parut être fort agréable au caissier. Fièrement, il ouvrit son livre et montra au maître une page pleine de chiffres. Le visage de celui-ci rayonna. « Bonne affaire, beau profit, » dit-il entre ses dents. « Décidément, ma fabrique ne ressemble pas au jardin suspendu de Babylone, et mon crédit est plus solide que les pyramides d'Égypte. Eh bien, messieurs, maintenant, in God's name, au nom de Dieu, on peut partir. » Tout était préparé pour le départ. En un instant, une voiture attelée de 4 grands chevaux fit trembler la chaussée et nos voyageurs se mirent en route pour la principale fabrique de maître Auguste. Le père et la fille se placèrent sur la banquette de derrière, Kenzius et Elim sur celle de devant. Le jeune officier était si joyeux de se trouver ainsi en face de la belle Hollandaise que tous les objets que l'on rencontrait sur la route, si intéressants qu'ils fussent, ne pouvaient détourner les yeux d'Elim de leur contemplation. Notre jeune homme était si heureux de voyager ainsi qu'il eût voulu ne jamais s'arrêter. Tout son univers était avec lui. On eût dit qu'il avait laissé le passé avec sa casquette au fond de la mer et qu'il entrait dans un autre monde et dans un nouvel avenir. Il ne demandait qu'une chose à la destinée, c'était de creuser sur la route le plus grand nombre de trous possible, et cela, vous devinez pourquoi, cher lecteur, si jamais vous avez été en voiture avec une femme que vous aimiez. C'était pour que son genou touchât le genou de Jane. Il serait curieux d'expérimenter quelle charge d'électricité peut contenir le genou d'une jeune fille. C'est donc inutilement que le lecteur attendrait d'Elim la narration de ce voyage et un croquis, même le plus léger, des villes, bourgs et paysages qu'il traversa. Mais en échange, il savait par cœur la topographie de la jeune fille et il eût pu nous parler savamment du moindre petit grain de beauté semé par la nature sur son visage et sur ses épaules. Pendant ce temps, la voiture roulait rapidement, s'approchant de la fabrique. Elim avait oublié le monde entier. Les dissertations scientifiques du vieillard sur les digues frappaient à la porte de son oreille, mais n'y entraient pas. De pareilles heures sont douces et reviennent rarement. Enfin, l'on arriva. Les portes s'ouvrirent, Elim se réveilla, mais quand la petite main de Jane serra la sienne en descendant de voiture, lorsqu'une douce voix articula ces mots, « Voici votre prison, Elim. » Il eût juré que la maison de Van Narversen, bâtie dans le lourd goût flamand, était la 8e merveille du monde. Pour dire vrai, cette maison, construite sur la grande place, ressemblait beaucoup à un château de cartes. Une élévation, tenant lieu de perron, régnait sur toute la longueur de la bâtisse et un balcon suspendu en ombrageait le rez-de-chaussée. Quoique l'automne fût très avancé, la cour était propre. Les murs, bien lavés au savon, brillaient comme des glaces. Les portes et les fenêtres étaient garnies en bronze et en argent. On voyait éclater partout un ordre merveilleux. Jane, légère comme la plume qui flotte au vent, se jeta au cou de sa mère, bonne et franche hollandaise dans toute la force du terme. Si vous avez vu à l'ermitage de Saint-Pétersbourg la poupée d'Amsterdam avec laquelle jouait Pierre le Grand dans sa jeunesse, vous avez vu la mère de Jane. Et cependant, cette grosse petite bonne femme était la créature la plus caressante du monde. Elle prit Elim par la main et le mena visiter les appartements. Chaque rareté devenait un supplice pour Elim. Le jeune homme écoutait sans rien entendre, regardait sans rien voir. Après avoir parcouru toutes les chambres où était entassé un monde de richesses, on arriva à la chambre à coucher de Parade. C'était un magnifique dessert après un splendide dîner. Madame Van Narversen montra fièrement à Elim les tapis brodés par elle, les dentelles séculaires, les couvertures de brocart. Il jouit franchement de sa stupéfaction à la vue du lit de noces, vaste établissement qu'il semblait avoir été fait pour être habité non seulement par un mari et une femme, mais encore par toute leur postérité. Des piles de coussins, qui allaient toujours en diminuant, semblaient monter à l'immortalité en une double pyramide. Un baldaquin, en dentelle pareille aux nuages qui accompagnent les gloires de l'opéra, descendait du ciel jusqu'à terre, et une couverture de satin blanc s'étendait sur l'immense surface du lit, pareille, pour la couleur, à la surface d'une mer d'azur pendant les beaux jours de l'été. Le mortel qui oserait coucher dans ce lit des dieux courait certainement risque d'être noyé dans les vagues de plumes et dans les flots de duvet. Ce fut sans doute pourquoi Elim se contenta de le regarder. Initié à tous les mystères de la maison de Von Narversen, Elim se reposa à table de toutes ses fatigues et après avoir gaiement fini la soirée, il s'endormit complètement satisfait de son sort.